On va parler que Pascal Jobin de la NBA, à la date limite des échanges qui s'en vient à très très grand pas, est-ce que les Raptors sont actifs? Pascal Jobin, salut! Salut Danny, comment ça va? Ça va bien? Pascal, avant de parler de la NBA, la CEBL a sorti, ça commence à sentir un peu le basketball ici au Québec. Et là, c'est le 25 mai que j'ai vu le premier match, 27 à Verdun. D'après moi, d'ici un mois, on va voir le nom du coach, hein? Je pense que oui, là. Je sais que Joël travaille fort pour Ouais. monter le club, là, mais il va se passer des choses ça va débouler assez rapidement. L'horaire, tu sais, je ne suis pas surpris parce que techniquement, sachant les disponibilités du centre Pierre Charbonneau, du centre à Verdun, l'horaire est quand même assez facile à faire par rapport à la Ligue. La Ligue, Ouais. c'est un propriétaire. Fait que, mais c'est le fun, je trouve ça vraiment cool. On voit le sérieux de la chose, là, puis, avec le logo, avec le nom, avec le travail qui est fait en ce moment. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ah, j'ai hâte de voir ça aussi. Pascal, avant de parler rapidement de ce qui on a déjà parlé là, du racisme dans le sport. Écoute, la NFL qui se. T'as déjà entendu parler de la NFL. De la NFL qui. Brian Flores, la poursuite. Je pense que quelque part sur le fond, il n'y a pas tort. Les entraîneurs de la NBA, actuellement, y en a-tu? Vite demain, des entraîneurs noirs. Il y a Doc Rivers, c'est vrai, il y a de Doc Rivers. Après ça, Il y en a 7 entraîneurs noirs dans la NBA, je ne me trompe pas, Danny. 7 sur 32, c'est bon, comparativement à la NFL qui en a 1 sur 32. Ouais. La NBA est toujours en avance d'année. Ils ont des arbitres femmes noires, Ouais. féminins. Il y a des assistants coachs féminins dans la NBA maintenant. Il y a des personnes qui sont en position comme assistant directeur général. Asai Ujiri, entre autres. Ouais, mais au niveau culturel, la NBA, il y a un trophée qu'ils donnent à chaque année pour la ligue la plus multiculturelle, puis la NBA, je pense, gagne toujours. Ah, ok. Et la Ligue nationale de hockey est toujours dernière. Mais moi, plutôt, le hockey, c'est pas une question de racisme, mais c'est pas Non, vraiment ils pour. seront plus au niveau de culture, tout ça, mais tu sais, t'as des sports comme le baseball qui est beaucoup plus latin, t'as, tu sais, Ouais, basket. mais il n'y a pas juste ça non plus. C'est que le baseball, là, il y a une question. C'est pas une question de racisme dans le baseball, là. On en parle en masse, là, mais les Afro-Américains, là. T'as le choix de jouer dans la NBA, t'as le choix d'aller dans la NFL, puis t'as le choix de te taper 5 ans de ligue mineure à 15 000 $, tu fais quoi? C'est C'est pour ça sûr. que. Hein? Non, tu as tout à fait raison. Tu sais, c'est plus une question. Je suis en train de les sortir, les entraîneurs. Donc, il y en a 7 actuellement. Hein? Parce que j'ai vu un article la semaine passée que Doc Rivers disait justement, il y a 7 entraîneurs de race noire, beaucoup d'assistants-entraîneurs. Jordan qui est propriétaire d'une équipe. Ouais. Il y a des directeurs généraux, tout ça. La NBA est toujours avant-gardiste, mais c'est aussi une ligue prédominée par des Ouais, mais là, tant qu'à ça, la NFL l'est aussi. Puis, je veux dire, une Ouais. affaire, sur le front, Brian Flores, ça n'a pas tort du tout, là. J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir, là, mais comment que ça va finir, cette histoire-là. Mais, en tout cas. Hey, Pascal, là, je veux te parler de. Bon, OK, date limite des échanges, ça s'en vient à très, très grand pas. Donc, les Raptors, 7e, jouent un peu plus que 500, donc ils vont être dans le play-in. Acheteur ou vendeur, c'est toujours la même affaire. Pascal Siakam joue du bon basket. Gary Trent, c'est toute une acquisition pour les Raptors, là. Ah, ouais. J'ai écouté un podcast cette semaine, puis il disait que depuis un mois, je pense qu'il est 6e meilleur marqueur de la NBA. Ouais, non, il est phénoménal. Donc, acheteur ou vendeur? Moi, je pense que ça Le va. Je gars peux qui même. va partir, ça c'est sûr et certain. Comment? Le joueur là, qui a acquis de Miami là, autour de Kyle Lowry là, qui est chez eux là. Ouais, mais je pense qu'il va y avoir des petits échanges. Exemple, je te donne un exemple. DeAndre Jordan avec les Lakers, on l'échange pour sauver de l'argent. Tu comprends tout ce que je veux Ok. dire? Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un blockbuster. On parlait de De'Aaron Fox à Sacramento, puis Ben Simmons, c'est les deux gros noms. Ben Simmons, je pense que Philadelphie, ils ne vont pas le laisser aller avant cet été. Ok. OK? Pour avoir le maximum de ce qu'ils peuvent aller chercher avec un joueur comme ça. Fait que moi, je pense, est-ce qu'il va se passer quelque chose avec Portland, avec Lillard? Tu Ben, le comprends? propriétaire a dit hier, j'ai lu un article qu'il s'attendait que ça allait être assez tranquille. Moi, je pense que ça va être. Il se passera pas. Je serais surpris qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais un blockbuster. Là, je serais surpris qu'il y ait quelque chose d'énorme. Là. Ça, je m'attends à des petits échanges au niveau financier, joueurs similaires qui sont échangés, salaires similaires. Mais tu sais, je m'attends pas à un Bradley Beal d'aller avec les Lakers. Puis tu comprends ce que je veux dire? Bradley Beal également qui a réclamé un échange. Dis-moi, les Raptors, parce que c'était souvent dit que Pascal Siakam s'attendait à être échangé. Là, il joue du bon basket. Là. Et s'il y a un off, ils sont plus dans une position de dire qu'est-ce que vous nous offrez, les Toronto, comme tu disais tantôt. Ouais. Mais ils n'ont pas besoin de se débarrasser de personne. Okay. Est-ce que chaque club, Danny, peut s'améliorer? Tu sais, je vais être honnête avec toi, Bismack Biyombo, je ne sais pas si tu t'en souviens, ouais, qui a déjà joué à Toronto, qui a joué avec le Magic, il a signé avec les Suns de Phoenix, OK? Mais les Suns de Phoenix, DeAndre Ayton était blessé. Bismack a pris sa place. Fait que ça, c'est une bonne acquisition. Les Lakers ont laissé partir JaVale McGee. JaVale McGee a gagné un championnat avec les Lakers. Là, ça fait 2 ans qu'il est avec les Suns. Il aurait dû garder un gars comme ça. Fait que comme je te dis, des échanges, ça va peut-être plus se débarrasser de contrats, des équipes qui vont changer de joueurs, pour après ça, les couper, tu sais. Fait que les Lakers, là, il n'y aura pas rien de spécial. Ils ne vont pas échanger Russell Westbrook. Là. Tu comprends ce que je veux dire par là? Okay. Et peut-être que s'il y a un offre pour, mettons, None, qui n'a pas joué de l'année, puis Talon Horton, peut-être, tu sais. Mais honnêtement, Danny, là, puis là, vu qu'on le dit, il y aura pas surpris. Il va sûrement avoir un petit quelque chose que tout le monde va dire « wow ». Puis tu sais, est-ce que Philadelphia peut faire un move avec Ben Simmons? Ça va être intéressant ensuite. Ouais, j'ai bien hâte d'avoir lui qui a pas joué un match dans l'année. La seule prédiction que je peux te dire, ouais. Ben Simmons pour De'Aaron Fox avec Sacramento. Okay. C'est tout. OK. Hey, dis-moi, les Suns de Phoenix, 11-12 victoires de fils, c'est incroyable. Et avec qui est absent, Bismack qui fait la job. Non, c'est Chris Paul, ouais. Devin Booker, les deux qui sont sur le match, encore une fois, sur le match des étoiles. Booker, c'est sa première fois en passant, Danny. C'est surprenant. Hein? Ouais. C'est sûr que c'est très surprenant. Allez, parle-moi du côté du match des étoiles, justement. Fred VanVleet qui a été choisi au match des étoiles. Écoute, un gars qui n'a pas été repêché, ça donne l'espoir. Ça donne de l'espoir pour plusieurs. Ce ne sera pas le premier, d'ailleurs, là, qui n'a pas été repêché. Il y en a plusieurs là, qui n'ont pas eu à partir des étoiles. Mais ça veut dire que... écoute, parce que la NBA, c'est deux rondes. Tu as plusieurs joueurs autonomes aussi. Là. C'est vraiment une ronde. La deuxième ronde, c'est pas si fort. C'est pas si... la première ronde, c'est garanti. Le reste, il faut vraiment que tu te développes. Là, ouais. Mais Fred, Fleet, même la première. À partir des 12-13 premiers, il faut que tu te développes. Là. Mais ton contrat est garanti le 30e joueur. Okay. C'est garanti pendant 3 ans minimum. Fait okay. Qu'au moins, tu as une chance. Les équipes ne vont pas te couper après une saison et te payer. Là, veux dire. Mon point dans ça, Danny, c'est que Fred VanVleet, j'ai toujours dit qu'on le voyait tranquillement prendre la place de Kyle Lowry. C'est clair. Et c'est pour ça que Toronto, Toronto a fait un cadeau à Lowry avec le 30 millions par année pour dire merci du championnat. Ouais. Mais il ne voulait plus le garder. Là, veux dire. Ouais. VanVleet, qui est dans une position, puis Toronto sont après remontés, c'est pas pire. Puis Lowry, il est dans une équipe qui a une chance de peut-être gagner un championnat avec le Heat de Miami. Mais Toronto sont vraiment gagnants. Là. Mais on le voyait se développer. Puis, c'est un gars dans la NBA que les coachs adorent parce que Fred VanVleet, il ne sent jamais la tête. Il va toujours jouer fort. Si la position est là, il va toujours performer. T'sais. On l'a vu contre les Warriors quand l'équipe a gagné le championnat. C'était une grosse partie de. Oui, il y avait Kawhi Leonard et Lowry, mais une grosse partie du championnat revient à VanVleet. Ah, regarde, c'est clair. Kyle, tu as parlé de Kyle Lowry. Il se passe quoi avec? Je sais qu'il est revenu hier. Il était pas là à Toronto. Son absence était raison personnelle. Donc, ça semble une dépression peut-être, là. Non, pas mental, personnel. C'est peut-être une situation que sa famille, ça peut être une maladie, tu sais. Un exemple, ça peut être sa mère qui sent pas bien, puis c'est pas une affaire de COVID, c'est pas une affaire, pas blessé, mais là, il est de retour, puis il est parti. OK. Pascal, on va surveiller ça de près. Ça peut arriver que s'il se passe de quoi de gros avec les Raptors, que c'est le 10 février, donc c'est jeudi prochain. Ça peut arriver que je te rappelle s'il se passe de quoi d'assez important avec mes Raptors. On fait plaisir, Danny. À bientôt. Notre ami Pascal Jobin qui nous parlait de la